Moi, tout ce que je veux, c'est juste vivre ivre de là, puis j'attends juste l'avenir. Le pire sera à venir, mais tant pis. Moi, ce que je veux, c'est juste vivre. Moi, tout ce que je veux, c'est juste vivre ivre de là, puis j'attends juste l'avenir. Le pire sera à venir, mais tant pis. Moi, ce que je veux, c'est juste vivre. Je remercierai toujours ceux qui quittent mon rap. Et les putains de bâtards qui participent à mon image. Ouais, ils ont la rage, rageux contre moi. Je leur adresse un message. C'est pas pour vous que je fais tout ça à l'heure où je parle. T'inquiète, c'est que le départ. Non, je me barre pas, je compte faire un carnage. Dans ce monde, j'ai compris qu'il y avait trop de putes. Désolant ou méprisant, ils ont juste fait de vie. La vie n'est magique, aussi avec ton étoile. Et moi, j'ai pris la vie, donc elle m'a brûlé très sale. Faut que rapidement, j'ai fini par caler. Et bien, avant de profiter de ma liberté, je sais que je voudrais jamais un cynique ou un boubac. Mais quelque part, moi je ne recherche pas la gloire, pas un passe-temps, mais plutôt une passion. J'ai glissé mon flow sur des putains de sons. Jamais je m'attarde sur des putains de sang. Dans la vie, c'est pas l'eau qui coule, mais plutôt le sang. La vraie de voir trop de poteaux qui déraillent. Et dire qu'on fait tout ça, ouais, juste pour la maille. Pour ma part, j'en gagne pas, ouais, pas de bétail. Ça rage très vite, du coup, compte familial. Jamais pour devenir expert comptable. Trop vite sur le ventou, j'ai l'impression d'avoir la cale. Jamais d'avoir le sentiment de la gagne. Ce putain de morceau de 2 minutes c'est dédié, et ouais, à mon seul but. R.A.P. Moi, tout ce que je veux, c'est juste vivre ivre de la vie. J'attends juste l'avenir, le pire sera à venir, mais tant pis. Moi, ce que je veux, c'est juste vivre. Moi, tout ce que je veux, c'est juste vivre ivre de la vie. J'attends juste l'avenir, le pire sera à venir, mais tant pis. Moi, ce que je veux, c'est l'avenir. Yeah, yeah.